dessus de ma verge, il y avait le gros Serge, et il jouissait comme un drogué. Ça doit être chiant d'être fluo, ça doit être chiant de boire de l'eau. J'ai vu l'autre jour dans un zoo un lapin baiser un clodo. Il a de la chance, Serge, d'avoir quelqu'un au-dessus de sa verge. Roulage de patin le matin, en plus tu ressembles à Tintin. Un couple c'est beau le jour, surtout le soir quand ça fait l'amour. Violemment sur la berge, au-dessus de ma verge. C'est le midi soir dans nos bras, quand les sentiments se disent au revoir. C'est l'instant où la parole fait du poulet à la casserole. C'est l'instant où le cul émerge au-dessus de ma verge. Tout ça pour dire que par les Russes, ça te nettoie bien l'anus. Quand l'amour nous tient la main, quand on se suce comme des lapins. Amour brutal dans cette salle pour l'éjaculation faciale. Au-dessus de ma verge, il y avait le gros Serge, et il jouissait comme un drogué. Au-dessus de ma verge, il y avait le gros Serge. Ses couilles dépassées d'un slip trouvé.